Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Sébastien Bouchard, Alexandre Bonneau et Guillaume Bisson. Les gars, vous avez vraiment le cœur sur la main. Rétro Nouveau. Cette semaine à Rétro Nouveau, on vous parle de notre meilleure sélection de jeux d'horreur pour un spécial Halloween. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 37e épisode de Rétro Nouveau, je pense. On est-tu rendu au 37? 38. Hey, on fait plus le compte. non, on les compte plus, Oui, on les compte plus. En tout cas, 38e épisode de Rétro Nouveau, ça va bien, Dom? Ben, ça va bien certainement, toi. Ben oui, certain, Crime. On a plein de nouveaux fans. On a plein de nouveaux fans. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Là, le dernier épisode a été écouté sur le blog 1562 fois. Ouais. 1562 fois, le bouton play a été appuyé dessus. Sur le site, là. C'est même pas les abonnements et tout. Puis aussi, on a comme pété notre ouais, bandwidth pour le mois. Donc, beaucoup de gigs de téléchargement. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. On sait pas quoi, mais on semble avoir beaucoup de nouveaux fans, en tout cas. Puis pourtant, sur Facebook puis Twitter, on reste quand même avec le même nombre. On a juste genre 200. Alors, il y a personne sur Facebook, un petit peu plus sur Twitter. Mais écoute, on vous demande, là, si jamais vous êtes sur Facebook ou Twitter, venez nous liker. Oui. Venez liker retro_nouveau sur Twitter, puis Facebook/rétro nouveau. Venez nous liker partout, là, parce qu'on veut vous connaître, on veut savoir c'est qui tous ces gens-là. Ben oui! Parce qu'on dirait qu'on est populaire beaucoup, puis on sait pas pourquoi, fait que ça nous intrigue. Ouais, puis c'est tout récent, c'est arrivé du jour au lendemain, vraiment, depuis, depuis l'épisode de Double Dragon. Oui, vraiment aussi, là, ça le comme podcast All Stars qu'on est allé. Moi, j'ai eu deux fans qui ont communiqué avec moi, puis qui nous ont découvert grâce à ça. Oui. Donc, il y en a peut-être qui viennent de là aussi. En exact. Fait. Donc, c'est un heureux mélange de tout, mais on est vraiment, vraiment contents. Mais oui. Ça nous motive au max. Ben, écrivez-nous, Crime. Écrivez-nous, faites quelque chose. N'importe quoi. Envoyez-nous un petit allô. On veut juste savoir c'est qui est là, puis qui nous écoute. Ça fait toujours du bien d'entendre ben parler oui, des fans, puis on parle souvent aux mêmes fans sans arrêt. Oui, il y a des fans qu'on connaît très bien qui sont là depuis longtemps. Ben oui, des vétérans. Oui, puis mais les nouveaux fans, on aimerait ça les connaître aussi. Ben oui. Vous pouvez nous écrire à info@retronouveau.ca très facilement aussi, ou sur Facebook, Twitter. Puis on sera très heureux de faire votre connaissance. Et si vous êtes nouveaux fans et qu'il y a des choses que vous aimez ou pas sur le show, dites-nous-le. T'sais, nous autres, on est bien regardants. Mais en. Fait que merci tout le monde. Yes. Fait que on commence ça. Pour l'Halloween, on a décidé de faire une sélection des jeux d'horreur qui nous plaisent le plus ou en fait dont on a le goût de parler. Absolument. C'est comme un genre de top 10 rétro nouveau. Ouais. Mais c'est pas nécessairement. Ben c'est un peu toi tes jeux préférés. Moi c'est mes jeux préférés, mais toi et c'est pas moi, nécessairement c'est ça. C'est tous tes jeux à part un ou deux. Donc je vais l'expliquer plus tard. J'ai joué à aucun de ces jeux-là, mais j'ai fait de la recherche. C'est des jeux qui, pour une raison ou une autre, je trouvais intéressant. Ben oui. Puis j'avais envie d'en parler, là, dans le fond. Donc, c'est bien documenté, là. On va s'amuser. Yes, great. Fait que, avant de commencer, faisons ça en musique. Ben oui. Avec l'intro de Castlevania 64, au Nintendo 64. La petite toune de violon au début, là, qui fait dresser le poil. Ah. Je l'aime tellement. Thank you. Fait que moi, je pars ça, ce top d'horreur-là, avec un des jeux qui m'a le plus surpris côté horreur, puis qui m'a effrayé, qui a hanté mes nuits. Ah oui? Je parle de Condemned 2 Bloodshot. Oh yeah. C'est un jeu qui est publié par Sega, développé par Monolith. Okay. Ça se joue sur la PS3, la 360. Je pense qu'il y a une version PC aussi. C'est un jeu de 2008. Okay. En gros, l'histoire, c'est qu'il y a les sans-abri à Metro City qu'on avait retrouvés dans le premier jeu qui sont possédés par un phénomène. Ils attaquent avec violence. Ils deviennent complètement fous. Okay. Puis ils attaquent tout le monde. Puis nous autres, notre personnage, c'est Ethan Thomas. C'est un ex-FBI qui, après avoir enquêté dans le premier jeu, est devenu complètement fou. Okay. Il est devenu vraiment complètement fou. Puis ça il est devenu... y a pas fait, ça, là. Ça y a pas fait. Le premier jeu, ça a été mal en tabarnouche. Je s'en ai jamais remis. Puis là, il est devenu, lui aussi, un sans-abri par la suite. Puis il y a des visions paranormales. Puis c'est un alcoolique. Il y a des méga problèmes, là. Tu sais, c'est comme un anti-héros. Ouais. Puis il est tout de même recruté par le SCU pour enquêter sur le meurtre de son mentor. Okay. Fait que c'est là que se situe notre quête. Fait que on est dans Metro City puis on se promène un peu partout dans des endroits hyper sombres. Oui, hein, ça va être très sombre. C'est hyper sombre. Puis ce que c'est Condemned 2, c'est un jeu d'horreur à la première personne. Ouais. Il y a du combat à la première personne, ce qui rend la chose très immersive. Puis les sans-abri sont vraiment épeurants parce qu'ils sont démoniaques, sont complètement possédés. Okay. Puis ce que j'aimais dans ce jeu-là, bon, il y avait l'ambiance, puis le fait que c'était tout en noir, t'explorais avec ta lampe de poche, puis l'éclairage était vraiment bien fait, mais ce qui était le plus remarquable, c'était les sons. Ah oui? Le son là-dedans est écœurant parce que tu pouvais entendre ce qui se passait dans les étages du haut puis du bas. OK. Fait que des fois, ça, c'est fréquent. C'est vraiment fréquent. Tu sais, tu te promènes à quelque part, t'entends pas grand-chose, puis à un moment donné, t'entends quelqu'un qui est comme super loin, puis t'es comme... Puis tu l'entends courir vers toi en gueulant. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment épeurant, là. Moi, j'avais joué à ça avec des écouteurs. J'avais pas d'enfant encore. OK. Puis je pouvais jouer avec des écouteurs. Puis c'est j'aurais... surprenant que tu aies réussi à en faire après autant de frayeurs. J'ai tellement été effrayé, mais hey, c'est écœurant, ce jeu-là. Puis même aujourd'hui, le jeu a encore sa place. Là. Ça, ben, il y a de l'air, pas pire. Ça fonctionne bien encore, puis ça a bien vieilli. C'est quand même pas si vieux, le 2008. On est encore dans la même génération de consoles. Faut pas capoter trop, mais l'ambiance est vraiment creepy. C'est axé sur le combat, puis le combat est vraiment le fun. Ouais. Tous les outils qu'on utilise là-dedans, on n'est jamais... on n'est jamais en avantage. Okay. T'sais, ça arrive jamais que t'as un d'autre qui arrive devant toi et fait comme pff, lui il est facile. Okay. T'as tout le temps de la misère à le battre. Puis d'après moi, Condemned 2 a servi entre autres à aider beaucoup les développeurs qui ont fait Dead Island. Oh, okay. Puis là, je me mets peut-être le pied dans la bouche parce que Dead Island, peut-être que c'est Monolith qui l'ont développé, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est pas eux autres, mais bref. On ressent un peu le même genre de jeu, mais Condemned est clairement pas mal plus terrifiant que Dead Island, qui est quand même très bon. Puis ces itinérants zombies-là, ils ont l'air d'avoir des skills de combat. Là. Les combats sont assez féroces. Oh, oui, là. C'est pas non, genre des larves là, qui se font tout effet là, facilement. Non, ils se battent parce que ça, c'est comme solide, des espèces là. De schizophrènes. Ils sont free, qui veulent juste tout détruire. Fait que tu sais, il y en a là-dedans que tu vois que leur face a été arrachée puis visiblement, ils approchent l'état zombie. Ouais. Mais c'est jamais vraiment des zombies. C'est des humains encore. Ouais, c'est ça. Hein? Ce qui rend la chose encore plus fréquente, pareil. Parce que tu te bats contre des vraies personnes. Des vrais gars, ouais. Ils gueulent, ils ont mal, ils souffrent. C'est vraiment... C'est bien fait. Puis surtout, il n'y a aucun jeu qui ressemble à ça. Ouais. Moi, j'espère que Condemned 3 existe. Parce que de toute façon, le premier et le deuxième, c'est des succès. Là. Le Condemned 2, c'est pratiquement un incontournable pour les fans d'horreur. Pas mal tout le monde trippe dessus. Là. Fait que acheter ça, maintenant, il est rendu comme 15$. Là. Tu peux acheter ça. Puis c'est génial. Là. Tu joues à ça dans le noir. Avec une paire de culottes de rechange. Si ouais, possible. Une paire de culottes de rechange ou des couches. Ouais. Fait que. De couches. Des couches réutilisables, si vous voulez, soyez écolo. C'est vrai, on aurait pu se trouver une commandite à soir, justement. Une commandite oui, de hein. couches. On aurait pu. Ouais. Poisse, est-ce que vous écoutez, là? On veut une commandite de couche pour adultes. Right now. Right now. Premier jeu pour moi, il s'agit de Chiller. C'est ouais, juste à voir l'écriture là, qui est en slime verte. Là. Ah ouais, non, il y a de quoi te donner la froufrousse. Donc, c'est un jeu de XCD sorti en 1986 à l'arcade. Il y a eu un port de ça en 1990 au NES par okay. American Game Cartridges. Oh. Il s'agit d'un jeu de light gun, mesdames et messieurs. Et puis, si je me trompe pas, je pense que ça serait l'un des, ou sinon le seul jeu au NES que tu peux avoir deux zappers en même temps pour jouer. Oh! Fait que imagine le bruit que ça fait. Ça va être dégueulasse. Fait que dans Chiller, t'as quatre stages. Une chambre de torture, une chambre de rack, qui est aussi, tant qu'à moi, une chambre de torture, des corridors de maison hantée, puis un cimetière. Mettons, dans la il y a du monde là-dedans, partout. Ah dans oui. la chambre de torture, il y a, mettons, une guillotine, un gars avec la tête dans un étau, un autre gars enchaîné sur le mur. Dans la chambre de rack, tu sais, il y a du monde dans des racks, là. Ouais. Ça les coupe. Il y a quelqu'un d'attaché au-dessus d'une rivière de sang avec des plaines de crocodiles. Puis le but du jeu, c'est de tuer le monde le plus rapidement possible. Et pour ce faire, il faut que tu tires sur les devices, tu sais. Genre, mettons le gars qui a la tête dans l'étau, faut que tu tires sur la poignée de l'étau jusqu'à ce que ça ait fini d'y visser la tête puis que ça explose, là, tu sais. Ah ben ouais. C'est dégueulasse, mon gars. C'est vraiment dégueulasse. C'est... Parce qu'en plus, moi, je vois à l'écran, c'est comme « good shooting ». Good shooting, ouais, c'est ça. C'est super joyeux, mais ben, c'est vraiment dégueulasse. La chambre dégueulasse. Des racks, là, c'est ça. Le monde qui se font écarteler, tu sais. Puis il y en a un autre qui est suspendu. C'est ça, quand tu au-dessus de la rivière pleine de crocodiles. Puis là, quand tu tires sa poignée, il descend tranquillement vers les crocodiles puis se fait manger. C'est... Mais... C'est totalement tordu, man. C'est parce vraiment que tordu. Le monde se font couper, ils se font démolir, tu sais. Puis tu peux tirer dedans jusqu'à ce que t'es tué, mais ouais, ils vont pas mourir. Rien, là. Ouais. Ça va toujours plus vite de tirer ses manivelles puis de trouver la façon de les tuer. Puis c'est ça le but du jeu, aller le plus vite possible puis pas tirer à côté parce que quand tu tires dans le vide, tu perds bien des points. Ben, tu perds du temps, en fait. OK. Fait que c'est ça, là. Mais le graphisme, man, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. C'est lettre. On dirait que c'est des dessins d'enfants qui ont été faits. Ah oh, on dirait que ça a été fait avec Microsoft Paint. Ah oui, c'est l'enfer. C'est t'sais. Vraiment lettre. Mais moi, je suis surpris. Ça a été sur NES, ça. Ça a été sur NES, mais illégal. Une version illégale. Là. Ça n'a pas été endossé par Nintendo. Mais non, c'est sûr. Mais non, c'est ça. Puis les coups, Nintendo ne se ferait pas traiter de ne pas être hardcore, là. Ça, c'est au-delà du hardcore. Puis le jeu d'arcade, elle-même n'a pas vraiment vendu non plus beaucoup parce que les propriétaires d'arcade ne voulaient pas de ça dans leur mais commerce. Non, c'est là, sûr. Parce que, écoute, c'est de la violence totalement gratuite. Je te le dis, la première fois que j'ai vu ça, j'étais perturbé, man. Mais c'est de la torture. Perturbant. C'est démolir, c'est détruire du monde, les torturer. Ouais. Puis la tête éclate, les bras arrachent. Ouais. Mais en version dessin Corel Draw pour enfants, c'est comme... Ah non, c'est ça, c'était comme naïf, mais en même temps, tu joues littéralement le rôle du méchant. Tu joues le rôle d'un tortionnaire. Ce qui est rare, on quand te voit même, jamais, jeux, mais là. Oui, effectivement. Dans ce temps-là, t'étais un torsionnaire, man. C'est tout ce que tu faisais. Fait que c'est assez fou, tout ça. Là. Pas besoin de te dire que les critiques et tout le monde ont comme chié sur ce jeu. Oui, c'est ça. Puis aussi, grâce à ça, puis parce que c'est un jeu illégal, ben, pas un jeu reconnu par Nintendo. Ben oui. Excusez, ça en fait un jeu très rare. Mm-hmm. Donc, cassette seulement. Si vous voyez ça, Chiller, ça vaut environ 120$. Tabarnouche. Pour le NES. C'est un thème de collection. OK. Alors, allez voir ça là, sur YouTube. Vous allez voir, c'est vraiment... Vous n'aurez jamais vu une affaire bizarre de même de votre non, vie. C'est sûr. C'est laid, ça fait peur, puis on se sent mal quand on regarde c'est ça. C'est dégueulasse. Et moi, le prochain jeu, ça va être Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Director Scott. c'est un grand classique. C'est Tecmo qui a publié ça, puis ça a été développé aussi par Tecmo. OK. C'était sur PlayStation 2. Ouais. Puis ça a été aussi sur Xbox. Donc, 2003 pour la PS2, puis 2004 pour la Xbox. Là-dedans, on incarne Mio et Mayu Amakura. Mayu. Si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée comme ça. Genre, Mayu. Mayu. Mayonnaise. Fait que c'est ça, ils visitent le village où elles jouaient quand elles étaient jeunes. Okay. Puis Mayu, elle trouve un papillon rouge mystérieux dans les bois. Mio la suit. Attends, c'était des sœurs, t'as dit, ou ouais, des amis? C'est des sœurs. C'est des sœurs. OK. C'est des sœurs, excuse-moi. Ah, c'est bon. T'es un peu mélangeant, le Mio puis Mayu, là. Surtout que j'ai juste le Doc Mayu dans la tête. Le Doc Mayu qui se promène avec une autre fille, tu sais. Ça serait... Ça serait weird. Un vrai jeu d'horreur. Puis c'est ça, elle se rend compte que les esprits torturés des morts hantent les bois où ils jouaient quand ils étaient jeunes, une fois qu'ils sont rendus là-bas. Puis pour ramener la vie au village, un rituel doit avoir lieu et ça constitue à tuer ta sœur. OK. Fait que là, Mio et Mayu, ben, ils sont ensemble, mais ils vont se rendre compte qu'il y en a un qu'il faut qu'il tue mayonnaise, tu sais. OK. En tout cas, c'est la base du jeu. Mais puis, quand tu joues les deux en même temps ou quoi? Non, tu joues un personnage. Tu joues le personnage de Mio, il me semble. OK. Puis c'est ça. Puis là-dedans, ça a été vraiment phénoménal. Fatal Frame s'est reconnu pour ça parce que le mode de jeu, tu tues les fantômes en les photographiant. Ouais. Avec la caméra obscura, c'est le même qu'elle s'appelle. Puis c'est ça, le genre d'horreur, puis le genre de fantôme, ça ressemble énormément à Ringu, The Ring. Ou à des Grudge, là. Qui n'ont pas de pupilles, je sais pas quoi. Là. Des japonaises avec des yeux noirs, là, qui vont se promener, puis qui vont faire des... des rires d'enfants. Fait que... Ça, là-dedans, c'est vraiment ce genre de gameplay-là. Fait qu'on va prendre des photos. Tout simplement, on va se promener dans des environnements assez sombres, comme d'habitude. Puis le son là-dedans aussi était vraiment réussi, surtout le son des fantômes. Okay. Les fantômes avaient vraiment un son... C'est atroce, les sons qu'ils font. Là. C'est vraiment très désagréable. OK. Là. Ben, d'ailleurs, moi, le fameux son que je viens de faire, qui est le son de Grudge, ouais. Moi, j'entends ça, là, puis je chie dans mes culottes, là, littéralement. Là. The Grudge, j'étais allé voir ça au cinéma, drette de même, j'avais aucune idée ce que c'était, tu sais, puis on savait plus quoi aller voir dans ce temps-là, tu sais, fait qu'on est allé voir ça sans savoir c'est quoi. Puis je dois dire que j'ai trouvé ça, c'est un des films les plus épeurants que j'ai vu, là, puis j'ai adoré ça, je trouvais ça génial. Ben oui. C'est super bien fait, puis tout, là. C'est parce que ces personnages-là... blanc avec les longs cheveux puis tout ça, puis avec les yeux qui sortent tout croche, puis leur façon de marcher. Pis... J'ai pas l'impression que c'est un jeu non plus qui est comme on crie, puis on sauve du sang. Tout se passe dans la... C'est long, il y a une atmosphère qui s'établit. C'est très atmosphérique. Oui. Dans The Grudge, tu sais, il y a comme un moment donné, le dude, il voit un fantôme dans la caméra, whatever, puis au lieu de crier, puis d'avoir peur, il tombe comme dépressif, tu sais, puis il se met à regarder à terre, là, puis il est pas bien, tu sais, là. J'étais comme, ah, man, quelle vision d'horreur il vient d'avoir, lui, puis il est même pas capable de paniquer, il est juste déjà, il veut s'enlever la vie, tu sais. C'est le genre d'ambiance, c'est vraiment intense. Non, les Japonais, là-dessus, ils l'ont, pour l'horreur, ils ont un style d'horreur vraiment... c'est ça, là-dedans, bon, l'atmosphère était hyper importante, puis l'atmosphère est très réussie, puis les puzzles... Et sont écœurants. C'est dans les meilleurs puzzles que tu retrouves dans les jeux d'horreur. OK. Puis l'utilisation de la caméra, évidemment, était meilleure que dans le premier. Ça allait super bien. Le premier, c'était pas tout à fait au point, mais franchement, la caméra, moi, le premier, j'ai laissé tomber. Je l'ai même pas fini. OK. Deuxième, c'était pas mal plus captivant, puis ça fonctionnait mieux. Fait que c'est un jeu qui est long, qui est lent, mais côté ambiance, puis côté, justement, fantôme dégueulasse, puis tout ça... ça marche, là. Ça marche tellement, là. Puis ça me fait penser, il y a eu un jeu qui a été fait, ça a été fait pour le PlayStation Network. Je pense que c'est The Curse, ou je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est un jeu qui est exclusif au PlayStation Network. Là, présentement, il y a du monde chez eux qui savent exactement de quoi je parle. Ouais. Ah, Siren. OK. S-I-R-E-N. Puis c'est un jeu qui se rapproche de Fatal Frame en termes de fantômes et tout ça. Ils sont encore dans une espèce de village abandonné, puis c'est comme des espèces de zombies, fantômes avec le visage blanc. Puis le son aussi de Siren est vraiment excellent, mais Fatal Frame 2 reste encore meilleur, fait que tout le crédit à Fatal Frame. Mm. Wow. Puis il n'y a pas comme eu une suite un peu à ça, à la 3DS? Ça s'appelle pas Fatal Frame, mais tu prends non, c'est toi, tu parles de Spirit Camera. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas Fatal Frame. Ça n'a rien c'est, à voir. C'est autre chose, là. Ça n'a rien à voir. Mais... Okay. Mais c'est un peu le même concept. C'est avec un ta peu 3DS, le même concept. Tu prends photo des choses, ouais. Tu sais, il y a des choses. Ok, mais c'est sauf ça. Sauf que moi, j'irais vers Fatal Frame avant ouais, ça quand même. Parce clair. Que Fatal Frame, tu sais, il t'emmène dans des endroits qui te font vraiment peur. Tout ouais, ça, c'est t'sais. Ça. Puis surtout que Spirit Camera. J'ai pas joué, mais j'ai entendu dire ouais, que c'était pas long. Là. Ouais, il paraît que c'est très que, court, effectivement. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à finir. Fait que c'est peut-être pas le meilleur investissement. Fait que ça, c'est un jeu de PS2 quand même assez rare. Ah oui? Ah. Je sais pas combien il coûte, mais il est rare. OK. Il est difficile à trouver parce que c'est un jeu qui est hyper populaire, mais ouais. ça a comme été un succès inespéré. Populaire, il y a des. Tous les jeux d'horreur, man, ouais. Ils tombent rares et populaires. Oh, on oui. voit les miens aussi, là, mais ça arrive souvent. Ben même celui, je me souviens, le grand collectionneur de jeux vidéo qu'on avait reçu Brian. Ici. Brian, un de ses meilleurs jeux, c'était un jeu d'horreur aussi. Qui c'était Rule of Rose au c'est PlayStation ça. 2. Rule qui of à peu Rose. 80-100$. Super t'sais. Dur à trouver beaucoup ce jeu-là. Beaucoup de bons jeux d'horreur au PlayStation 2, d'ailleurs. Ouais. Mm. Fait que, en tout cas, cherchez ça, puis sortez pas votre caméra, ça donne la chute. Mon deuxième jeu, il s'agit de Cauldron, un jeu de Palace Software, sorti en 1985. Sur le Commodore 64, yeah. ZX Spectrum et le Amstrad, mesdames et messieurs. Donc, Cauldron pour chaudron, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas un jeu d'étudiant, c'est vraiment un chaudron de sorcière. Ce jeu-là, il est cool parce que c'est un platformer et un shmup en même temps. Ah ouais? Ouais, je vais expliquer pourquoi plus tard. Donc, Cauldron était à la base supposé être le jeu du film Halloween. Ah. Sorti en 1978. Okay. Palace avait eu les droits, puis ils avaient donné le mandat à un gars in-house là, qui s'appelle Steve Brown. Puis Steve a travaillé là-dessus pendant un bout, mais il n'a pas réussi à faire vraiment quelque chose qui était satisfait pour faire un jeu d'Halloween. Fait qu'il s'est plutôt inspiré de la thématique de l'Halloween oh. pour développer son jeu. Okay. Alors c'est très chauve-souris, sorcière, citrouille, là, tu sais. Fait qu'un peu plus tard dans le développement, il y a un type qui s'appelle Richard Linefelner qui s'est joint à Brown, dans le fond. Puis lui, c'était le lead programmer. Ouais. Les deux aimaient des styles différents. Brown okay. aimait le platformer, puis Linefelner, il aimait les shmups. Alors, ils ont décidé de faire un jeu qui combine les deux. Ouais. Ce qui était quand même très cool pour l'époque. On parle de 1985, puis ouais. Le Commodore 64. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, dans le fond, t'es une sorcière, puis tu veux devenir... la Witch Queen, là, la okay. reine des sorcières. Fait que pour ce faire, il faut que tu battes le Pump King. Le Pump King? Pump King. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est pas Pump King. C'est Pumpkin, mais c'est Pump King. King. C'est le boss de fin, dans le fond, là. Donc, la façon que le jeu se passe, t'es une sorcière, puis tu sors de ta maison, okay. t'enfourches ton balai, puis tout de suite, tu t'envoles. Puis, tu te promènes dans un... En vue de côté. Là, mais ça ressemble fond. À Defender. Ça ressemble totalement, dans le fond. Tu l'as, c'est ça que c'est. Quand t'es en shmup, c'est Defender au max. Tu vas à gauche, ouais, à droite. Ouais. Puis t'as plein de monde qui te shoot des affaires de partout. Puis il faut que tu ramasses. Écoute, je pense qu'il faut que tu ramasses des clés. T'as bien des affaires à ramasser okay. dans ce jeu-là. J'ai jamais joué, j'ai pas fait le tour, mais dans ce que j'ai vu, là, tu sais, c'est du ramassage de stock. Donc, tu ramasses des clés pour rentrer dans des cavernes okay. ou des tableaux quelconques, là, des châteaux, puis dans puis tout ça. Puis, puis c'est là que ça devient platforming en passant. Le mix, c'est vraiment cool. Le c'est mix une bonne est super idée. Bien fait. Puis, une fois que tu es là-dedans, là, c'est tu sautes de plateforme à plateforme, tu évites okay. des gogos, t'es pas armé, tu fais juste sauter. Puis éviter les choses, puis t'arranger de pas tomber dans le trou. Ah oui. Ça a de l'air dur en salle. Mais ça a vraiment de l'air au Commodore, tu sais. Surtout que là, c'est ça, c'est archaïque. Là, ah c'est ouais, Commodore c'est 64 hyper archaïque, quand même. Là, ça a pas de l'air le fun, tu sais. Ben, ça a de l'air le fun, ça a l'air facile. Il y a mais... beaucoup d'ennemis, je trouve. Ah et oui. Ça a pas l'air facile, pas en tout. L'écran est loadé de il stock. Il donne même. Aucune chance, tu sais. Ouais. Mais t'as de la. Quand t'es sur ton balai, par exemple, tu peux shooter au moins des genres de petites balles de magie oui, là, avec oui. le devant de ton balai, là, tu sais. Puis dans le fond, t'as un pourcentage. Quand tu te fais toucher par des méchants, tu baisses ton pourcentage de magic. Okay. Puis, t'as des petites pastilles de magie un peu partout que tu vas dessus pour te refouler. Oui. Fait que en gros, c'est ça. Faut que tu retrouves tous les items qui te permettent de faire toutes les grottes puis pour aller tuer au final le pump King. Pop King. Mais c'est ça, pour le temps, je trouve le graphisme est quand même très beau. Oui. Puis la petite musique quand tu t'envoles sur ton balai, là, c'est super sympathique là, parce qu'elle suit la vélocité de ton balai. T'sais, si tu ralentis, elle fait... Tu repars vite. C'est vraiment cool. C'est cool. Puis il n'y a pas vraiment de musique dans les bouts de platforming, mais il y a un petit beat d'ambiance qui fonctionne très bien, à mon avis. Là. L'animation de la sorcière, elle fun aussi quand elle avance, elle bouge, tu sais, quand elle enfourche. Elle marmonne. Puis elle enfourche son balai, c'est bien, tu sais, quand elle atterrit, c'est comme, elle est bien articulée. Je trouvais ça vraiment cool. Puis ce jeu-là a eu des très bonnes critiques d'ailleurs quand il est sorti. Je pense que c'est un bon petit classique pour dans ce temps-là. Tu sais, mettons dans les bons jeux à avoir de Commodore, mettons, ça en serait un. Mais c'est ça, la plus grande plainte que le monde avait pour ça, c'était la difficulté. Puis, C'est épouvantable le nombre d'affaires qu'il y a à l'écran. Ah ouais, il y en a, mon gars. Puis des fois, comme elle vole sur son balai, puis là, bang, out of nowhere, il y a quelque chose qui te frappe en arrière. C'est pas juste, c'est cheap. Mais c'est ça, la difficulté est attribuée, d'après les deux développeurs aussi, au fait que les jeux ont été testés en partie, tu sais. Ils ont pas testé le platforming plus le shmup. Ils ont, ils ont le shmup d'un bord, puis le platforming de l'autre bord. Et puis les gars, ils s'étaient mis des vies limitées aussi pour le tester comme faut. Fait qu'à la fin, ils ont juste tout collé ça ensemble puis enlevé les vies limitées. Fait que là, ils se sont pas rendu compte que le jeu était quand même fucking dur. Si bol. Et puis, Evil Dead avait été produit aussi par Palace en 1984 par Lynne Fellner. Puis, ils ont décidé d'inclure une copie de Evil Dead sur le deuxième côté de la cassette du Spectrum dans une nouvelle batch de Cauldron. C'est bien cool. Fait que c'est très cool. Donc, si vous trouvez ça, Cauldron, au ZX Spectrum, ça vaut pas même un cher, genre 10$, mais il se peut que de l'autre côté, il y ait Evil Dead. Cool. Fait que ça a été un bon jeu. Ça en a même fait une suite qui s'appelle Cauldron 2 de Pumpkin Strikes Back. Strikes Back en 1986, qui a aussi été un succès et qui a permis à Brown de continuer à développer d'autres jeux de PC puis des micro-ordinateurs de cette époque-là, qui a fait de Brown un bon gars dans le domaine. Ressortez vos couches. Oui. Parce que je vais vous parler de Dead Space 2. Qui, d'après nos fans sur Twitter et Facebook, sur Facebook surtout, était pas mal unanimement le jeu d'horreur le plus épeurant. Tout le monde avait pas mal dit Dead Space. Il y en avait eu beaucoup, en tout cas. Là. C'est rough, Dead Space 2. Mais c'est rough, mais dans le bon sens. Puis moi, Dead Space 1, j'ai joué. Puis je suis resté pogné entre deux salles. J'avais plus d'armes, puis il fallait que je tue des bébites, puis j'avais plus d'armes pantoute. Ah, t'avais fait un mauvais save, là, dans le fond. Oui. Ça, c'est chiant. Fait que ça, c'était vraiment chiant, puis j'ai vraiment... Ça me dérange encore, puis je suis encore fâché contre EA à cause de ça. Ouais. Parce qu'en plus de ça, j'avais acheté un DLC pour avoir plein d'armes. Oui, tu l'as déjà raconté, là, finalement, ça. C'est ça, je pouvais pas l'utiliser au moment où j'étais. Fallait que je recommence une partie. J'étais tellement piste. En tout cas, Dead Space 2, c'est un jeu, évidemment, qui est publié par EA, qui est développé par Visceral Games à Montréal. Oui, monsieur. Du très beau de Montréal. C'est sur PS3, 360, PC. C'est sorti en 2011. Et l'histoire, ben, on est dans un autre vaisseau spatial où réside une invasion nécromorphe. Les nécromorphes, si vous savez pas, c'est comme des gens de zombies. Dans le fond, c'est un virus qui prend possession d'un corps humain puis qui le déforme un peu comme dans le film The Thing. Ouais. Fait que c'est principalement la même affaire. OK. Puis ton personnage, c'est Isaac Clarke? Ouais. Puis il y a aucun souvenir de ce qui s'est passé durant les trois dernières années. Il est complètement amnésiaque, puis il y a des hallucinations de sa femme durant tout son périple. Fait que tu sais, il y a plein d'hallucinations, puis il est pas bien au départ, notre personnage. Non, as-tu juste des jeux de gars finis, toi? Ouais, moi j'ai juste des jeux de gars brisés. Il y a personne brisés. En shape dans tes jeux. Non, j'ai pas de sorcière qui est comme je vais aller dans une grotte. Tu as envoyé la sorcière là-dedans, ça l'aurait fait. Hein, c'est sûr que ça l'aurait fait. Là, ça aurait été parfait. Puis, crime, on s'en serait sorti. Mais non, à la place. Il a envoyé un gars tordu. Ouais, il a envoyé un gars tordu. Puis, ça va pas très bien son affaire. Fait que, c'est ça. Bref, ça va pas bien. Puis, le gars, il a plein d'hallucinations. Puis, il bad trip, vraiment. Puis ce que c'est Dead Space pour les gens qui ont jamais joué, c'est que c'est un jeu de c'est un survival horror, mais en même temps, c'est comme un jeu d'aventure à la troisième personne qui se passe dans l'espace. C'est un third person. Ah, c'est un third person. C'est cool, ça. C'est un third person, mais qui est très immersif. Puis en plus de ça, moi, ce que j'aime, c'est que c'est quand même orienté vers l'action. On les détruit, ces bébêtes-là. Puis une chose qui fait qu'il est différent des autres, c'est les armes. Les armes sont vraiment cool, comme il y a le fameux plasma cutter, qui est dans le fond une espèce de gun qui envoie des rayons en ligne horizontale ou verticale. Puis ça coupe les membres des nécromorphes. C'est agréable, ça. Pis c'est très agréable. Puis les nécromorphes, ils crèvent pas tant que tu les as pas... Tant que t'as pas détruit leurs membres. Fait que tu peux, admettons... Toutes les membres? Oui, parce que tu peux couper la tête, mais ils vont continuer à avancer. Mais faut que tu pètes la tête après ça. Faut que tu pètes la tête, mais faut que tu pètes les membres aussi, parce que les membres peuvent avancer tout seul. Fait que tu peux les décapiter d'une façon ou d'une autre, mais ça peut être quand même assez, assez complexe. Ils meurent pas tous de la même façon, ils ont toutes leurs particularités. Puis vraiment, visuellement, puis côté son, ce jeu-là est incroyable. Ouais, il y a tellement de job qui a été mis là-dedans. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on n'arrêtait pas de te fourrer dans ce jeu-là, parce qu'à toutes les parties que tu vas commencer, les bébites seront pas nécessairement placées au même endroit. Ce qui fait que tu as tout le temps des surprises à toutes les fois que tu joues. Ah, c'est cool, ça. Puis c'est vraiment, entre autres, justement, les fameuses morts, les kills des nécromorphes, quand tu meurs, sont toujours aussi gory. Là, dans le premier, ça a comme été un trademark, puis dans celui-là, ça fait pas de différence. C'est aussi épeurant puis dégueulasse, tu sais. Mais pis, ça, c'est un jeu qu'on fait des sauts dedans tout le temps, genre? T'en fais des sauts. T'en fais, mais ben franchement, t'en fais moins qu'un jeu comme, mettons, Fatal Frame tantôt, là. Ouais. Ça, c'est un jeu d'horreur que tu fais des sauts. Tu sais, t'as pas d'action, tu détruis pas personne. Ouais, ouais. Tu fais des sauts, c'est un jeu d'ambiance. Cela, c'est un jeu d'ambiance, mais il y a un bon mix avec l'ambiance et l'action. Tu sais, puis ça, c'est très appréciable. T'sais. On pourrait penser à un genre de mix de Gears of War avec du Uncharted, mais horreur, tu sais. Fait que ça reste un jeu d'action. Là, pour le troisième, Visceral a décidé d'y aller avec un volet multijoueur qui va, d'après moi, enlever un côté horreur à ça. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. J'ai l'impression que le jeu la quête à une personne, la quête principale, ça va donner à la chienne. Quand tu joues avec un chum, c'est d'autres choses. Ouais, tu détruis des bébites comme un mongol avec plein d'armes. Ça va être un free-for-all. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise nouvelle. Il y a plein de fanboys qui ont capoté. Mais crime, capotez pas, le jeu est pas sorti, puis il a l'air écœurant. Ouais. Fait que, non, moi, Dead Space 2, c'était un de mes meilleurs jeux de 2011. Là. Ça a été vraiment une super belle surprise. J'ai adoré ça. Puis l'univers est écœurant, l'histoire est écœurante. Vraiment, kudos à Visceral Games puis d'avoir décidé d'enlever le casque de Isaac Clarke pour pouvoir en faire une histoire. Moi, j'aime ça. J'haïs ça. Ah, je suis tout à fait d'accord. J'haïs ça des maudits héros qui ont pas de face comme Master Chief. Là. Ouais. Ça, j'en veux pas. C'est... Donnez-moi une personnalité, une histoire, quelque chose. Il faut qu'il m'intéresse, ce personnage-là. Puis je pense que la schizophrénie de ce personnage-là aurait pas pu être illustrée aussi bien s'il avait gardé son casque tout le long. Absolument. Mais son casque est très beau. Oui, son casque est beau, puis son saut est écœurant. Ah, c'est une des affaires qui est le fun aussi de Dead Space, c'est que t'as pas vraiment d'icône à l'écran ni rien de ça. Tout est affiché comme ton énergie est dans ton backpack, dans ton dos, tu la vois tout de suite. Puis aussi, toutes tes armes, puis tout ça, c'est tous des menus qui sortent de ton saut, puis qui sont en hologramme devant toi. Tu marches, puis tes voix, tu sais. Fait que ça, c'est beau, ça. C'est vraiment génial. Idée. C'est une super bonne idée. Fait que, non, bravo. Que dire de plus? Dead Space, il faut absolument, absolument, absolument jouer à ça. Puis, ça vient de Montréal. Il y a de quoi être fier, vraiment. C'est une des plus grandes fiertés de Montréal. Là. Il y a pas juste Assassin's Creed. Ouais, c'est ça. C'est Dead Space, c'est de la bombe. Fait que, on attend le troisième. Oh yeah! On y va en musique avec le thème de Manhunt. Thank you. Monsieur Georgia. Ouais. Il s'agit de Clock Tower. J'ai tellement hâte de t'entendre parler de ça. Ah, écoute, moi-même, j'ai hâte de m'entendre parler de ça. C'est un jeu qui a été fait par Human Entertainment en 1997. OK. Sorti au Super NES, sorti aussi sur le PlayStation, sur PC, et puis sur WonderSwan. Ah, yeah, WonderSwan! C'est quoi, un WonderSwan? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un protège de sous. Je le sais, c'est dégueulasse. L'expliquer vite fait, parce que moi-même, j'étais pas vraiment au courant. C'est une console portable qui a été produite au Japon par Bandai. OK. Entre 1999 et 2003. C'est développé par nul autre que Gunpei Yokoi. Ah ben c'est oui, lui. Qui a fait, non, mais c'est lui qui a inventé le Game Boy. Ah! Puis, si je me trompe pas, c'est lui qui s'est planté aussi avec le Virtual Boy. Oh! Mais je suis pas sûr. Mais je m'en rappelle plus. J'aurais dû rechecker parce que ça c'était... Ça a créé Gunpei. Gunpei, maudit fou. Maudit fou. Fait que c'est ça, ce console-là a été inventé pour faire compétition au Neo Geo Pocket Color et puis au Nintendo Game Boy Color. Là, OK. Finalement. Alors, mais ça, je pense que ça a foiré. Ben, je pense moi aussi. Vous irez voir, là, c'est quoi, le WonderSwan sur Google Images. Ça a tellement de l'air cheap, là. C'est comme bleu transparent. Ça a l'air d'une cochonnerie de Radio Shack, là, à 20$, là. Okay. Ça a vraiment de l'air, là. C'est terrible, man. Je voudrais jamais que j'aurais pensé que cette console-là ait été prise sérieusement, avec des vrais jeux. On dirait une joke. Fait que, en tout cas. Alors, Clock Tower, c'est un survival horror. Point and click. Ah! Voilà. Et excusez, là, les restants de la grippe. Je vais raconter l'histoire vite fait. Oui. Jennifer Simpson et ses amis Laura, Anne et Lott sont des... Lott. sont des enfants dans un orphelinat. Ils sont adoptés par le riche et réclus Monsieur Barrows, qui a un gros manoir, dans le fond, qui s'appelle Clock Tower, parce que son manoir, il y a une grosse tour horloge dessus. Alors, la femme de M. Barrows va chercher les enfants, ramène tout ça à la maison, les installe dans la chambre à foyer, là, finalement, gros foyer. Puis là, elle quitte la pièce pour aller chercher M. Barrows. Et puis là, ça commence à prendre du temps. Alors, Jennifer, elle décide d'aller voir ce qui se passe. Puis là, en quittant, rendu un peu plus loin dans la maison, elle entend un cri. Fait que là, elle revient dans la chambre à foyer, puis elle se rend compte que les filles sont disparues, puis que les lumières sont fermées. Oh. Alors, elle se rend vite compte que ses amies sont mortes parce qu'elle capote, elle court partout, elle les cherche, elle les trouve mortes. Et puis, elle se rend compte aussi qu'il y a un petit bonhomme déformé, étrange, avec une paire de ciseaux géantes qui court après elle. Et il s'agit du protagoniste principal, antagoniste, excusez-moi, Scissor Man. Okay. Scissor Man, c'est Bobby Barrows. Le petit-fils, ben le fils en fait des parents Barrows, là, des propriétaires de la maison, puis le frère de Dan Barrows. Mon Dieu, on serait-tu inspiré de Chucky avec ses grands ciseaux? Ah ben ça se peut très bien. C'est très bizarre les ciseaux, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Ouais, hein? Puis dans le fond, les deux jeunes Barrows étaient connus dans les parages là, pour leur tendance meurtrière. c'est ça qui se passe dans ce jeu-là. Faut que tu te sauves. C'est ça qu'il y avait de nouveau quand même avec ce jeu-là. C'est pas un jeu où est-ce que... C'est pas Resident Evil, t'as un gun, tu tues des zombies. Non, c'est un ça. Jeu que tu te fais poursuivre tout le long par Scissor Man. OK. Tu te promènes partout dans la mansion, en dehors de la mansion, puis tu te sauves, là, tu sais. OK. Fait que ça, c'était quand même assez nouveau dans ce temps-là. Puis, faut que tu utilises, là, toutes les... t'ouvres des portes, tu te caches dans les boîtes, là, tu sais. Quand tu l'entends qu'il s'approche, là, il fait cling, cling, cling, cling, cling, avec ses ciseaux, là, t'es comme, oh, Colin. Shit, là, tu sais. Surtout si t'as un point and click, à un moment donné, tu dois stresser sur le pointage puis le cliquage. C'est clair, parce que, tu sais, tu cliques, c'est pas comme rapide, là, tu sais. C'est comme, this door is shut. Totalement. Non. T'as plein de portes. Pourquoi j'ai cliqué sur le mur? This is a wall. This is an apple. It is irrelevant. Call it. Fait que c'est ça, t'as des puzzles à régler, puis il faut que tu te grouilles avant de te faire trouver, tu sais. Fait que c'est ça. Mais le look du jeu, là, c'est très laid, moi, je trouve. C'est vraiment laid. C'est vraiment laid, là. C'est square, puis la fille, elle marche bien carré, bien drette comme une militaire, là, tu sais. Elle a pas l'air effrayée, vraiment, tu sais. Non, vraiment pas. Elle se promène comme si tout était correct. Ah, totalement, tu sais. Mais il y a tout le temps du texte en dessous aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai de la misère à comprendre comment on peut avoir du plaisir à jouer à ça. Mais c'est quand même un jeu culte, tu sais. Il y en a eu plusieurs, Clock Tower. Puis c'est une série, tu sais, qui a marché. Puis le monde y avait peur pour vrai dans le temps quand il jouait à ça. Mais je pense que c'est quand même possible parce que t'es stressé. Tu sais, t'es comme. Ah, mais t'es stressé. Faut que je me grouille. Là, oui, quand je me grouille. Au plus sacrant. Mais aussi la version Super NES, à ce que j'ai vu, puis je pense qu'elle est juste sortie au Japon. Oui. Elle n'est pas dans un environnement 3D comme ça. Elle est comme 2D, mais avec une profondeur en arrière de toi. Là. Un peu à la Nightshade, là, au NES, ou bien à la Déjà Vu, ou je sais pas trop, ces affaires. Spy versus Spy. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce genre d'affaires-là, tu sais. Fait que c'est ça. Ce jeu-là, il y a 8 fins différentes, dépendamment de comment tu finis le jeu. Ça, c'est quand même très cool. Ouais. Puis, je peux spoiler la fin. Fermez vos oreilles si vous voulez. Spoiler. Pas. Spoiler alert, ça se termine dans la Clock Tower elle-même, où est-ce que Jennifer, les cloches sonnent, puis là, la vibration, tel Venom dans Spider-Man 3, fait shaker, fait shaker Bobby, Caesar Man, puis là, il sac le camp en bas et il meurt. On pense. Yay! Yeah! Puis, il y a 4 jeux de Clock Tower. Donc, celui-là, qui est sorti en 95, qui est sorti en 95 au Super NES, au PC, WonderSwan. Okay. La version PlayStation est sortie en 96. Puis au Japon, ils l'ont appelé Clock Tower 2, cette version-là. Ensuite, il y a eu un Clock Tower 2, The Struggle Within, qui est sorti en 98 au PlayStation, ici. Mais au Japon, ils l'ont appelé Clock Tower Ghost Head. Là, si tu vomis pas encore du sang par le nez, je peux t'annoncer aussi que c'est tellement compliqué la vie. Appeler tout ça pareil, pis c'est 1, 2, 3, peu importe tous les pays. Oui, that's it. En tout cas, fait qu'il y en a un 3 qui est sorti en 2002 au PlayStation 2. Puis, Clock Tower, la série, a été vendue à Capcom en 1999. Okay. Et Clock Tower 3 était justement une création de Capcom avec Sunsoft. Okay. Puis, depuis ce temps-là, Capcom n'a pas réannoncé d'autres jeux de Clock Tower, mais le jeu Hunting Ground est considéré comme une suite spirituelle à Clock Tower 3. D'ailleurs, c'était développé comme étant Clock Tower 4 au début, puis ils ont juste changé le nom puis changé la gamique. Là, fait que, écoute, j'ai jamais joué à Clock Tower. Pour avoir regardé du gameplay pendant plusieurs minutes, puis essayer plusieurs vidéos pour voir c'était quoi cette bébite-là, qui était quand même populaire. C'était, écoute, ça vaut 50$ ce jeu-là sur le PlayStation 1. C'est un classique, il y a un culte following de ça. Puis, tu sais, ça a l'air n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est probablement très bon. Il y a sûrement des gens qui ont joué à ça, puis qui le jurent, qui disent, Chris, c'est bon cette série-là, c'est bon, je capote. Fait que moi, j'ai pas joué, j'arrive de même, out of nowhere, tu sais, des années plus tard, je pense pas que ça doit être aussi bon que quand c'est sorti. Mais ça mérite quand même une petite attention. Quand même. Je voulais le souligner. Moi, le prochain jeu, grand classique, difficile de passer à côté, ben franchement, ça a été... Le classique. Le classique, moi, ça a été mon... Je pourrais dire, je pourrais dire honnêtement que ça a été mon premier jeu d'horreur. Okay. C'est Resident Evil, l'original qui était sorti sur PlayStation 1 en 1996. C'est un jeu de Capcom, développé par Capcom et publié par Capcom. Puis l'histoire, ben simplement, si je réduis ça là, au plus simple, là, c'est que c'est les membres de l'équipe Alpha qui sont à Raccoon City, qui sont sur les lieux d'une invasion zombie, puis ils cherchent juste un moyen de s'en sortir, c'est tout. That's it, mon gars. L'histoire est pas mal plus compliquée que ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que je viens de dire. T'sais. Mais moi, je pense, est-ce que ça se passe toujours dans une maison, ça? J'avais l'impression au coup. Ça se passe dans un mansion pas mal longtemps là, dans le premier. OK. Puis, on court pas à travers la ville ni rien. Là, Non, c'est ça. Ben, y a des petits bouts à l'extérieur, mais c'est, oui, tu t'es souvent dans une maison là-dedans. OK. Puis... Une affaire qui était vraiment écœurante. Ben oui. C'est la fameuse intro faite en live action. Absolument. Avec des vrais acteurs. Du vrai monde. C'est J'avais jamais vu ça. Épouvantable. C'est tellement mauvais. C'est tellement drôle tellement c'est mauvais. Là. Il faut que vous réécoutez ça. Là. C'est, si vous allez sur YouTube, là, vous avez juste à mettre live action Resident Evil 1 intro. Vous allez voir, c'est hilarant. Ah, c'est vraiment excellent. Fait que... Ben écoute, on souligne l'effort, là, pareil. Ah là, ouais, on souligne fun l'effort. D'essayer de faire de quoi de cool. Il y a un effort quand ouais. même. Puis c'est ça, c'est le premier jeu de zombie quand même, donc c'est pas rien. Ça a vraiment dressé la table pour une tonne de jeux d'horreur. Les petites portes qui grincent, l'ambiance, ouais. les fameux zombies qui arrivent longtemps, qui font comme... Puis c'est super long. Puis ton personnage était quand même assez clunky, tu sais, les mouvements étaient pas si bons que ça. Ouais, le 3D dans ce temps-là, c'était pas super. Meilleur ben, que le 64, mais c'est pas, ça. Pas parfait, parfait. Là. Ben tu sais, c'était comme des backgrounds pré-rendus, ouais. fait que ça permettait d'avoir un niveau de graphisme encore plus puissant que le niveau de graphisme qui était vraiment là dans l'engin 3D. Ouais. Fait que ça, c'était quand même très intéressant, puis ça donnait vraiment un beau look. Puis c'est ça, moi, l'affaire qui m'a le plus marqué là-dedans, puis ça a marqué aussi beaucoup de gamers, ça a été refait dans la... Il y a eu un Director's Cut HD oui. qui a été fait récemment. Ça vaut travaillé... cher en passant, hein, ces vieilles ouais. affaires-là. Oh, ça vaut cher. Mais c'est ça, la fameuse première scène que présentement on l'a devant le visage, là, mais la première scène où on voit un zombie pour la première fois dans un jeu vidéo... Ouais. C'était terrifiant. C'est clair. Parce que c'est vraiment la première fois que t'as ça, la première fois que tu vois un zombie puis qui te court après puis qui sait pas trop où il s'en va exactement puis qu'est-ce qu'il fait puis que t'es pogné là. Ouais. Puis c'était impressionnant parce que c'était la première fois que ça arrivait puis ils ont quand même bien seté le jeu parce que tu fais pas ça au début. Tu sais, quand t'arrives dans Resident Evil, tu tires pas dans le tas tout de suite. Ouais, là. Ouais. là, c'est comme là, t'arrives là, puis tu vois qu'il y a un zombie qui a tué un des membres de ton équipe, là, faut que tu l'attrapes, tu sais. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose de bien intéressant là-dedans, du fait que il y a pas nécessairement 40 zombies qui te courent après, là. Il ouais, y en ouais. a un, puis il est terrifiant, tu sais. J'aime ce côté-là. On n'avait pas besoin d'avoir plus que ça dans non, ce c'est ça, t'avais pas besoin de plus que ça. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment brillant, puis. Moi, c'est un jeu qui m'a marqué surtout parce que c'est plein de premières fois dans ce jeu-là. T'sais. Je sais pas si maintenant, si j'y rejouais, j'aurais probablement pas le même feeling. Non, je rejouerais puis je saurais exactement qu'est-ce qui se passe. Puis même à la limite, je trouverais ça un peu niaiseux. Ouais, je dirais que c'était pas épeurant. Mais non, dans ce temps-là, c'était épeurant parce que c'était la seule affaire qu'on avait. Ouais. Fait que c'est ça, Resident Evil 1 quand même. Est-ce que il y a des portes qui ouvrent à tout bout de champ, là? Ça oui. c'est du loading là, finalement. Oui, c'est est-ce du que, loading. Est-ce que ça faisait comme chier? On dirait qu'il y en a beaucoup. Oui, c'était chiant. C'était chiant parce que justement, toutes les fois que tu changeais de pièce, tu ouvrais une porte ouais, et tu te rendais ailleurs. C'est long avant qu'elle mais c'est tout. Resté avec la licence, tu sais. Ah oui? Oh, oui, ah, c'est drôle, resté ça. Ça. Ils ont gardé comme l'univers des portes. Pas dans tous les Resident Evil, mais dans certains Resident Evil, c'est resté. Entre autres, je pense à Revelations qui est sur la 3DS. Ouais. Il y a ce système de porte-là ah, aussi qu'on a ramené. Ça. Fait que c'est quand même une signature de la série, puis ouais. on se mentira pas, ça permet de loader les autres pièces sans que tu t'en rendes compte. Fait que non, moi, je suis tout pour ça, puis je trouve que c'est un bon jeu, Resident Evil, mais je suis pas certain que ça a si bien vieilli que ça. Ouais. Tu sais, je suis très nostalgique. T'sais, tantôt, je parlais de Dead Space, Fatal Frame, Condemned. J'ai aucun problème à jouer à ces jeux-là maintenant. Ouais. Mais Resident Evil, je le regarde, puis c'est un peu comme toi tantôt avec le jeu de Clock Tower. Ouais. J'ai pas vraiment le goût de jouer à ça. Non, là, c'est ça. T'sais. C'est pas attirant visuellement. Là. Pas vraiment. Puis avec Resident Evil 6 qui vient de sortir, ouais. qui est vraiment loin de ça... Oui. Et là, on est ailleurs, là, ben raide. J'ai hâte de jouer à ça, d'ailleurs. C'est plus un thème de collection. Ben oui. Prochain jeu. Il s'agit d'un medley, mesdames et messieurs. Ça va être le Texas Chainsaw Massacre. Et puis Halloween au Atari yes, 2600. Tu nous gâtes. Je vous gâte en salle, à soir. C'est deux jeux qui ont été développés par Wizard Video en 1984. Puis, ça serait pas mal dans les premiers jeux vidéo d'horreur là, qui ouais. sont apparus, mais tu sais, basés sur des films d'horreur, là, dans le fond. Puis, bien sûr, bon, ça a fait de la controverse parce que c'était ultra violent au départ. Ben ouais. D'ailleurs, le Texas Chainsaw Massacre n'a pas vendu ben à cause de ça. Les magasins de jeux n'en voulaient pas. Mais parce que tu vois le méchant, là, faut pas oublier, tu joues la Leatherface. Ben, c'est ça, là, je vais l'expliquer. Là, vite fait, Halloween a été un petit peu plus populaire, mais. T'sais, ça n'a pas levé partout non plus. Ouais, ouais. Fait que ces jeux-là sont personne n'en a acheté, personne n'en a voulu parce que c'était de l'horreur. Alors, ils sont devenus très rares. Et puis, c'est ça, comme tu disais, dans le Texas Chainsaw Massacre, tu fais Leatherface, tu sais. Ouais. C'est ça qui est cool, c'est toi le tueur. Fait, en le fond, c'est pas compliqué. Tu marches dans le champ, puis au fond, en arrière, t'as ta maison avec ton pick-up de parquet à côté. Excuse, je viens d'une région où est-ce qu'on dit un pick-up, pas un pick-up. Un pick-up. Avec des arbres, puis c'est ça. Puis tu fais rien que courir partout dans le champ, puis essayer de tuer du monde avec ta chainsaw. Puis quand il y a quelqu'un qui apparaît dans l'écran, ça fait un cri, ça fait « mais tu sais, un son d'Atari qui grince, ah oui, qui grince dans les oreilles, là, tordu, là, tu sais. Fait que là, tu le cours après, puis quand t'es dessus, il tombe à terre avec une flaque de sang, man, c'est merveilleux. Ah, ouais. Fait que c'est juste ça que tu fais, tu tues du monde. Puis faut pas que tu manques de gaz dans ta chainsaw. Faut pas que tu manques de gaz dans ta chainsaw. Comment on fait pour avoir du gaz? Je pense que c'est en tuant des gens. OK. Que tu regagnes du gaz. Attends, il va tuer quelqu'un, on va le savoir. Tu l'es! Ah, oh, on le voit pas. Anyway, ou sinon, il y a des tanks à gaz à terre, je sais pas. Un peu partout, il y a des branches qu'il faut que t'évites, des squelettes de bovin à terre, des chaises roulantes en plein milieu du champ. Il y a un paquet de crap dans le champ que tu touches. C'est vraiment des rednecks qui habitent là, c'est très drôle. Mais même la face de Leatherface est comme un petit peu tordue. Il y a la bouche par en bas, deux yeux pas de la même grosseur. Moi, je trouve ça totalement drôle. Ouais, c'est très drôle. Je disais en début de show que j'avais pas joué à aucun des jeux que j'allais présenter ce soir, mais j'ai joué à ça. Oh. Puis j'ai joué à Halloween aussi, mais pas les originaux. Mais j'ai joué sur émulateur. Sur un émulateur, oui. Pas mal les seuls jeux que j'ai joué sur émulateur dans ma vie. J'espère que t'as pas payé pour ça. Hey, j'aurais aimé payer pour ça. Ces jeux-là, là, d'ailleurs, on va le dire tout de suite, ouais, là, ça ils, vaut ils valent environ 200$ la cassette. Là. Chacun deux, là. Fait que si vous voyez ça, vous l'achetez pas cher, là. Et vous l'achetez immédiatement. Okay. Il y en avait sur eBay cette semaine, d'ailleurs, j'ai regardé, là, vu que c'est l'Halloween, je sais pas, on dirait que le monde vendait ça. Puis ça vaut une fortune. Halloween, le jeu, lui, se passe dans une genre de grosse maison à deux étages. OK. Tu sais, le rôle de la gardienne. J'ai oublié son nom, là, excuse, le cast de Halloween, je me rappelle plus. Ouais, je suis pas très bon, c'est Jamie Lee Curtis qui a fait la fille. Puis tu cours partout dans la maison, puis t'as des petits-enfants aussi effrayés là, qui courent les bras dans les airs, qui savent pas quoi faire. Okay. Fait que faut que t'es ramènes, genre, faut que t'es ramasses, puis quand tu leur touches et tu suives, puis faut que t'es amènes à l'autre bout de la maison, là, dans une pièce qui est comme safe. Puis à tout moment donné, Mike Myers, il apparaît avec sa... C'est ça son nom, avec Mike son Myers? Couteau, ouais, avec Mike Myers. Son couteau puis sa chienne de garage. Puis là, quand il apparaît, la musique de Halloween part, man. C'est génial, là. Non, mais c'est bien fait. Il marche doucement. Mais ça, c'est ça, l'animation de Mike Myers. C'est quand même assez impressionnant. Super bonne, puis il marche doucement, comme dans le film. Il est pas pressé de te tuer. Il va finir par te tuer pareil. Puis des fois, t'es dans des pièces, comme tu viens de voir, où est-ce que la lumière clignote. Ouais. Comme il manque de courant un peu, puis la musique est là. Puis c'est comme petit peu début d'être creepy pareil. Puis quand il réussit à te tuer, ça, c'est tordant. La tête a disparu d'un coup, puis t'as deux petits filets de sang genre qui giclent, puis ton corps il continue à courir avec les bras dans les airs. Puis quand il réussit à tuer un petit enfant, celui qu'il faut que tu sauves, tu sais, il fait juste comme tomber à terre dans une genre de semi-flaque de sang, de carré bizarre. Fait, quand il tue le monde, c'est super bon, là, tu sais. Puis aussi, tu peux pogner un genre de couteau pour te défendre. Fait quand tu pognes le couteau et tu l'as dans les mains, ben t'as juste à toucher à Mike, là, finalement. Il va sacrer son camp. Là, donc, il n'y a pas vraiment moyen de s'en défaire, bien sûr. Le but du jeu, c'est vraiment de ramasser les petits, les enfants, puis les amener en lieu sûr. Okay. Mais c'est ça. Non, c'est pas pire, ce jeu-là, pour un jeu d'Atari. J'ai eu quand même du plaisir. Tu peux rejouer pas mal. Là. Puis l'ambiance est bonne. C'est bien. Là. C'est vraiment pas la pire merde là, que vous avez vue. Donc, c'est ça, dans le fond. C'est deux jeux qui valent une fortune. Vraiment? Qui sont pas mauvais. Texas Chainsaw Massacre, c'est pas mauvais aussi à jouer. Ouais. Là, sans joke, c'est le fun de tuer du monde. Donc, mais vous pourrez jamais jouer à ça sur autre chose qu'émulateur parce que c'est pas trouvable. Ça coûte une beurrée, tu sais. Puis, il faut vraiment être collectionneur pour acheter ça full price. Peut-être un jour, je vais m'en payer un. Ben oui. 10 ans plus tard, je vais me payer l'autre, je sais pas. Mais j'aimerais ça avoir ça en vraie copie. D'ailleurs, les covers sont vraiment laids, là, tu sais. OK. C'est comme... C'est pas les pochettes des films? C'est pas les pochettes des... Ben, un petit peu, oui, sur la boîte, mais pas sur la cassette, là, tu sais. Ah, comme, ouais. C'était cheap, là. C'était pas un grand investissement, cette fait sur le label dans le temps. Mais des jeux, écoute, remarquables, épiques et des systèmes de collection de grande valeur. Bon, et moi, mon dernier jeu ce soir de mon top, parce que moi, c'est quand même un top. Puis ça, c'est mon meilleur jeu d'horreur à vie. OK. Et j'ai nommé Silent Hill 2. Mm-hmm. C'est un jeu qui est développé et publié par Konami. C'est un jeu de PlayStation 2 et il est sorti en 2001. Il y a eu un remake HD qui a été fait cette année. OK. Qui est sur le PlayStation Network et sur XBLA, si je me trompe pas. Non, je pense qu'il est juste sur PlayStation Network. Non, il est sur PS3, c'est ça. Je l'ai critiqué à Monsieur Net. Puis j'avais pas donné une bonne note. OK. Parce qu'il y a des problèmes. Ils ont plus scrappé qu'amélioré le jeu. Il y a des problèmes de framerate. Puis il y a des problèmes de texture. Puis tout ça. Des fois, ils essaient d'améliorer un jeu, mais ils rajoutent tellement de couches que finalement, ils scrappent. Ouais. Fait que vous êtes mieux joué à l'original, ben franchement. Pour ceux qui connaissent pas trop Silent Hill 2, je vais vous raconter l'histoire rapidement. On incarne James Sunderland, puis il reçoit une lettre de sa femme qui est décédée pour lui dire de la rejoindre à Silent Hill. Okay. Creepy! Ouais. Puis c'est ça, il va s'y rendre, évidemment, puis s'ensuit des phénomènes bizarres et grotesques. Oui. Et puis, une fois rendu, James peut pas y échapper. Une fois que t'es rendu à Silent Hill, une fois que t'es rentré dans Silent Hill, tu peux comme pas te sauver. C'est tout le temps ça, la twist. OK. Puis c'est tout croche. Puis Silent Hill, c'est vraiment une ville super bien détaillée, qui est abandonnée. Puis une des choses qui faisait que Silent Hill était aussi remarquable, c'est la fumée, le brouillard. La cendre, non? C'est du brouillard, mais... C'est de la cendre. On apprend par la suite que c'est de la cendre. Ouais. Ce brouillard-là qu'il y a partout, c'est vraiment génial. C'est ça qui t'empêche justement de voir plus loin, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Okay. Puis les développeurs s'en servaient de façon phénoménale parce que s'en servent pour obstruer la vue, même si t'es en plein jour. Okay. Fait qu'être en plein jour dans Silent Hill 2, c'est aussi épeurant qu'être la nuit puis pas avoir de lumière ni rien de ça. Okay. Fait qu'eux autres, ils ont fait un bon mix des deux. Puis visuellement, le jeu était vraiment remarquable pour un jeu de PlayStation 2 parce que tous les environnements étaient détaillés. Le jeu ressemblait à... Ça ressemble à un film de David Lynch. Vraiment, ouais. C'est... super beau, super bien traité. L'histoire est très bonne. Le développement des personnages est excellent. Puis il y avait des bons puzzles. Il y avait une tonne de bonnes choses là-dedans. Le fameux son des créatures avec ta radio qui griche. Ouais. C'est excellent parce que quand t'as une créature qui s'approche, t'entends ta radio gricher de plus en plus. Okay. Puis ça devient vraiment freakant puis épeurant. Puis ces bébites-là qui ont été créées pour Silent Hill, il y a eu beaucoup de jeux dans la série Silent Hill, mais dans celui-là, c'est mes préférés, là, vraiment. C'est, ben, tous ceux-là qui sont iconiques étaient pas mal tous dans le deuxième puis dans le premier, tu sais. Okay. Comme les fameuses infirmières qui ont pas de face, pas d'yeux, sont là-dedans. Les bébés qui crient comme des Mongols, des bébés démoniaques à terre qui crient avec un cri impossible à recréer par un humain. Vraiment, tout là-dedans. Espèce de bonhomme qui marche à terre avec des bras tout croche. Bref, sont tous là-dedans. Très bien détaillé, des bons sons pis tout ça. Moi, c'est meilleure créature, meilleure histoire, meilleur son, meilleure ambiance, meilleur look. Tu sais, c'est toutes les meilleures affaires pour moi, Silent Hill 2. Puis même la trame sonore est hallucinante, la trame sonore de Silent Hill. Puis le deuxième Pyramid encore. Head, il est-tu là dans le 2 encore? Oui, il est là dans le deuxième. C'est d'ailleurs dans le deuxième jeu que Pyramid Head baise avec... c'est-tu dans le deuxième ou dans le troisième? Ben, moi, je connais pas Je pense que c'est dans le troisième que Pyramid Head, il baise avec des mannequins à un moment donné, puis c'est vraiment creepy. Là. Ah ouais? Oui. Mais peux-tu m'expliquer vite fait pour un gars qui a jamais joué à ça, c'est qui ça? C'est quoi son rôle? Ben, Pyramid Head? Ouais, c'est lui. Pyramid Head, le c'est, comme, c'est comme le maître de tout, mais il parle pas, il dit rien, il fait rien. Fait qu'il t'expliquera pas pourquoi t'es là. Il va juste te suivre. Il y a l'espèce de gros couteau, on dirait qu'il veut. Il y a comme l'espèce d'épée. L'espèce d'épée de voyons, super Colin. Long, là, de Braveheart. Non, ça me fait penser à l'épée que dans Final Fantasy VII. Ouais, l'épée de Cloud, là. L'épée de Cloud, merci. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe, puis lui il te suit, puis son épée traîne à terre, puis il peut te trancher à la face facilement. Fait que c'est juste personnage il tue pas, il fait imposant. Juste te suivre. Ah non, il va te tuer là. Okay, okay, okay. Si tu fais pas attention, il va te tuer. Fait que non, c'est juste vraiment un personnage qui a pris beaucoup de place dans le deuxième surtout. Okay. Puis c'est un personnage iconique. Ils ont fait tellement de bêtes dans ces jeux-là qu'il y en a qui ont fini par passer l'épreuve du temps. Ouais. Puis lui, c'est sûr qu'il est resté, là, il était cœurant, puis un Medhead, là, même sur ses memes sur Internet, tellement qu'il est ridicule. Mais c'est ça, là-dedans, moi, ce que j'ai aimé aussi de Silent Hill par rapport aux autres jeux même dont j'ai parlé à ce soir, c'est que il t'amène un peu partout, puis c'est une ville complète. Mm-hmm. Tandis que dans les autres, t'es souvent dans un corridor ou dans un endroit, tout ça. Là-dedans, c'est vraiment, tu t'en vas à plusieurs endroits là, pour finir par arriver à tes fins, puis tu vas même aller dans des buildings délabrés où tu vas trouver des bébites, puis tout ça. Fait que un excellent jeu. Silent Hill 2, c'est pas un jeu qui est rare sur PS2 parce que ça a eu un succès phénoménal. Mm-hmm. Fait que c'est encore possible de le trouver sur PS2. Sinon, la version HD, depuis que j'ai fait la critique, il y a eu des patchs qui sont sortis. OK. Fait que c'est peut-être une bonne idée de l'acheter parce que malgré les problèmes, les bugs que j'ai trouvés dans la version HD, elle est quand même encore assez intéressante pareil parce que, Konami disait qu'il travaillait très fort à faire des patchs. Mais même sans ces patchs-là, c'est quand même intéressant si jamais vous ne trouvez pas la version PS2. Ouais. Fait que c'est ça. Le troisième est beaucoup plus réussi que le deuxième dans la collection HD. OK. Mais est-tu bon le troisième? Toi, tu préfères le deuxième? Il est excellent le troisième. Il est super bon. OK. Mais le deuxième est encore meilleur à cause de l'histoire, les bêtes, puis tout ça. Tu sais, le troisième, c'est un bon jeu, mais Silent Hill, c'est vraiment le deuxième. Puis aussi le premier, évidemment. Le premier était très bon. Ouais. Mais le deuxième définit le jeu d'horreur, d'ambiance. Puis le côté dire un survival horror, là-dedans, t'as vraiment l'impression, faut que tu survives. Puis quand tu te fais frapper, là, tu boites, puis t'as de la misère à avancer. T'sais. Fait que, c'est très bon, puis ça fait différent des maudits jeux de zombies. Ouais, c'est ça. Qu'il y a partout, tu sais. Fait que là-dedans, il y a des bébites qui sont propres à Silent Hill. Il n'y a aucun jeu qui fait y a des bébites de même. Ouais, ils ont comme la face cousue. Ouais. Ils ont comme pas de face d'affection, mais si on y avait cousu à la face, avec rien, là, tu sais. C'est comme un peu. Oui. C'est tordu, ça. Ça fait penser. Il y a certaines des créatures, je suis sûr, qui ont été faites. Les créateurs ont vu Hellraiser, puis ils ont fait des créatures par rapport à ça, parce qu'il y a des personnages qui y ressemblent. Puis, il va juste pitcher ça de même, puis vous en ferez ce que vous voulez. Mais j'ai déjà parlé à Rétro Nouveau de nos meilleurs jeux, de nos meilleurs films de jeux vidéo. Ouais. Moi, Silent Hill 1, c'est mon meilleur film de jeux vidéo. OK. Fait que ça, louez-vous ça. Ça a l'air que le nouveau est vraiment pas bon. Oui, hein? Ça a l'air qu'il est vraiment pourri. J'ai écouté Reviews on the Run, puis Scott, puis Lucas, Victor Lucas. Victor, ils ont donné 0. Les deux ont donné 0, tu sais, au film. Là. J'ai jamais vu ça, du monde donner 0. Tabarnouche, 0. 0, man, les gars, ils ont vraiment pas comme c'était pourri. Fait que, non, ça a vraiment l'air mauvais. Mais c'est l'enfer, comment c'est mauvais. Là. Le premier, c'est vraiment, vraiment un bon film. Mm-hmm. Un bon Silent Hill. C'est votre Silent Hill. Mais ça... Dernier jeu, et non le moindre, et probablement le plus farfelu, il s'agit de Night Trap, mesdames et messieurs. Un jeu de Digital Pictures qui est sorti en 1992 sur Sega CD, Sega 32X, 3DO et PC. Ouais. Rien de moins. C'est un survival horror, mais comme interactif. C'est un film. C'est comme un sitcom, dans le fond, que tu contrôles. Vite fait, pour raconter les débuts de ça, ça a été filmé sur 3 semaines. Puis c'était supposé devenir un jeu qui allait s'appeler Scene of the Crime. OK. Puis finalement, Digital Pictures ont utilisé ça pour faire Night Trap. Ça l'a coûté 1,5 million à produire. C'est fou, hein? Non, c'est vraiment de l'argent, c'est vraiment pareil. Un méga paquet de cash, là, tu sais. C'était supposé sortir sur le système de jeu de Hasbro qui s'appelait le Nemo. Okay. Ça ressemblait à un Commodore 64 avec des manettes de ColecoVision, là, tu sais. Okay. Ça, c'était supposé fonctionner avec des cassettes VHS au lieu de marcher avec des cassettes normales, là, okay. Mais finalement, Hasbro a scrappé le projet, puis la Nemo est jamais sortie. Ah. Ce qui, je pense, était peut-être une bonne chose parce que c'était une drôle d'affaire, là, ouais, quand t'as voir ça. Puis, dans le fond, Night Trap a été transporté sur le Sega CD à la place. Okay. Puis sur les autres consoles par après. Puis, c'est ça. Dans le fond, l'histoire, c'était... Il y a un groupe de jeunes femmes qui vont passer la nuit chez Monsieur et Madame Martins. Puis, il y a des drôles d'affaires qui se passent dans ce manoir-là. Il y a déjà 5 filles qui sont disparues il n'y a pas si longtemps suite à avoir passé une nuit là. Ouais, ouais. Alors le Sega Control Attack Team est appelé pour protéger les nouveaux invités puis essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé Caltor là-dedans. Mais, extrêmement ridicule, ridicule le Sega Control Attack Team. Ah oui, puis ils sont tous bien habillés comme Jean-Claude Van Damme dans Street Fighter là, ouais, genre armée bleue là. Super laid. Puis dans le fond, ils ont changé le Sega Control Attack Team pour le Special Control Attack Team quand ça a été porté sur les autres consoles. Fait que dans le fond, toi, t'incarnes un membre de l'équipe spéciale d'attaque. Oh, oui. Puis dans ces 5 filles-là, il y en a une qui est une agent undercover qui s'appelle okay. Kelly. Alors, c'est ça. Quand les filles arrivent au manoir et sortent du truck, pendant ce temps-là, dans les autres pièces de la maison, on voit qu'il y a des vampiriques Odgers. Sortent, okay. Commencent à rentrer partout dans la maison. Qu'est-ce que c'est ça, des vampiriques Odgers? Je sais pas, man, j'ai essayé de trouver sur Wiki ou whatever, ils disent pas ce que c'est des vampiriques Odgers. Mais quand ils regardent, on voit juste comme. C'est comme des gars, là, tout habillés en noir. C'est des ninjas. Ouais, avec des bas de nylon noir en face puis des côtes de cuir qui marchent, tu sais, comme des singes, là. C'est vraiment raté. C'est vraiment weird, là. C'est vraiment payable côté acting, là, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, la façon que ça marche, c'est que t'as des caméras partout dans la maison qui ont été installées par l'équipe okay. d'attaque. Puis toi, tu contrôles, tu passes ton temps à passer d'une pièce à l'autre puis à surveiller les méchants. Pour pas que les méchants, ils attaquent les bons, tu sais, okay. les filles. Puis t'as des trappes partout dans la maison. Fait quand il y a un méchant qui s'adonne à passer devant une de tes trappes, oups, t'actives la trappe, puis là, il tombe dans le trou ou whatever, tu sais. Puis là, ça en fait un de moins. Mais c'est ça, c'est vraiment drôle comment qu'il crève. Ah c'est ouais, ça, gars, c'est vraiment ridicule. Puis ça, c'est pas très horrifique. Là. Non, non, c'est pas horrifique du tout, mais c'est quand même bien fait les façons qu'il crève. C'est pas rien que des trappes qui ouvrent dans le plancher. Des fois, t'as comme un mur au complet qui avance, ouais. qui pousse le méchant dans le lit, puis là, il rebondit sur le lit, puis ouh, il tombe dans un mur en arrière. Ou des fois, les marches d'escalier, ouais. tu sais, comme dans un comic, là, tu sais, il. Oh ouais, ils deviennent flat, puis ils deviennent flat, puis ça glisse, fait là. Là, ils glissent jusqu'en bas, puis là, le plancher, il s'ouvre, puis il tombe dans la trappe. Hey, quand même, là, ça a été fait pour ça, vrai, ces gadgets-là, ouais. dans un studio, là, tu sais. Ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort, puis il y a beaucoup d'argent qui est passé là, tu sais, puis ça paraît. Fait que c'est ça, mais malheureusement, ben, bien sûr, l'acting est un peu beaucoup qu'attend, tu sais. Puis, il fait toujours clair dans cette maison-là. Oui. Tu sais, le hall d'entrée, il est full lumière, là. Tu sais, ça aurait l'air de ça si j'arrivais chez vous, tu sais. Eh oui. La lumière est là, le sofa est là, tout est bleu, tout est beau. Puis là, tu vois les vampiriques Odgers passer là-dedans. Une espèce de singe ninja. Gros singe habillé en noir, c'est une vraie farce, là, tu sais. Une affaire que je trouve conne aussi, c'est que, tu sais, c'est des vampires pis tout, mais ils ont une espèce de petit bâton. Ouais, ouais, c'est ça. Il serre le cou pis qui. C'est un genre de manche. Ouais, c'est ça. C'est un manche long. Et au bout, il y a une pince. Puis quand il attrape une victime, il y en a deux qui tiennent la victime. Puis l'autre, avec cet outil-là, il appuie sur la gâchette. La pince se ferme autour du cou de la victime. Puis il y a une petite drill qui part. Puis qui vient comme sucer ouais. le sang direct dans le cou, tu sais, de la victime pour un usage ultérieur de je sais pas quoi. Tu sais, pourquoi ne pas juste les mordre puis finir ça là? Là tu sais, ça prend 3 ridicule. Gars pour manipuler l'outil. Mais en même temps, il est un peu creepy cet outil-là parce qu'il est ben super ouais. gros. Là, tu sais, t'es que je veux pas me faire pogner ben avec non, ça. Vraiment pas. Vraiment, vraiment tordant. Puis c'est ça, dans le fond, ce jeu-là, il y a eu une polémique autour de ça parce que, bien sûr, dans le temps, les esprits fermés aux États-Unis. Quand ils ont vu la scène de la douche où est-ce qu'il y a une fille ouais. en genre de bébé doll, petite jaquette, ouais, qui, ouais. qui regarde la caméra puis qui qui se peigne les cheveux. Il y a un méchant dans la douche en arrière, on le voit. Là, il sort. Là, il y a deux autres méchants qui sortent du côté. Là, c'est comme, oh, oh, ouais, c'est ça, arrêtez de me faire des farces, ça me fait pas peur. Puis là, elle voit qu'elle est attaquée pour vrai. Là, elle se met à paniquer. Puis là, la grosse pince autour du cou. Puis, ah oui. Mais il n'y a pas de sang qui coule ni rien. Là. C'est pas gore, zéro. Là. Ils font juste la prendre et l'amener pas. Ailleurs. Ça finit de même. T'sais. Mais cette scène-là a créé une grosse controverse. Même le Sénat américain s'en est mêlé. C'est malade. On retire ce jeu-là du marché. Il n'est pas question que ça continue. Puis tout ce bordel-là a mené à la classification ESRB des jeux vidéo. Comme aujourd'hui, si les jeux ont un classement, c'est à cause de Night Trap. Ah, c'est si mal. C'est vraiment drôle. Ça n'a pas servi à rien, là. Non, ça servait à quelque chose. Fait que c'est ça, faut que tu sauves toutes les filles, puis faut que tu te captures, t'envoies dans les traps tous les méchants. Puis si tu réussis à tout faire ça, tu vas avoir une bonne fin. Il y a plusieurs fins à ce jeu-là. Puis c'est comme ça que ça se passe. Puis on se rend compte finalement que les Martins, c'était des méchants vampires. Donc, disponible Sega CD pour 30$, Sega 32X pour 50$. Sur 3DO, ça doit être quand même pas mal cher parce que je suppose que tous les jeux de 3DO doivent être chers. Et non, c'est certain. Donc, c'est pas un jeu là, qui va vous faire faire dans vos pantalons, ça c'est certain. Mais peut-être de rire, là, ça je ne sais pas. Parce que c'est bien qu'Aten et tout, mais c'est plus comme un bel item culturel mentionné. Là, mais moi, je m'ennuie des jeux de même avec du live action. Là, vraiment, c'est un film interactif. C'est un vrai film. Ben, tu vois, ils ont refait Mad Dog McCree, c'est à 3DS, je le sais. Puis, bon, tu joues. Ça serait parfait. C'est pas pour le 3DS. Fun, ces jeux-là, aujourd'hui. Parce que c'est ça, là, c'était une autre époque. Mais ça se ferait, c'est à 3DS, que tu pointes avec ton stylet, ces caméras, puis t'actives les trappes. Ça serait comique, tu sais. Moi, j'achèterais ça facilement. C'est soit là, ça ou sur iOS, quelque chose du genre. Ça serait vraiment une bonne plateforme t'sais, pour tu leur sortir. Tu l'essayes, là, parce que c'est un grand classique des classiques, là, tu sais. Non, il devrait faire ça, rien que pour niaiser, là, rien que pour le fun. Ah oui. Ça va peut-être venir. Fait que on aimerait aussi vous faire certaines mentions spéciales qui n'étaient pas nécessairement dans nos choix. C'est pas tout. On a aussi des mentions. Quand même. Des choix déchirants. Moi, un de mes meilleurs jeux qui fait pas partie de ces cinq-là, c'est Manhunt. Ouais. Qui était vraiment. Ça avait été fait par Rockstar. Puis c'était. Mm-hmm. C'était un jeu dans lequel tu te faisais. Tu étais un ex-détenu, puis tu te faisais contrôler, si on pourrait dire, par un autre méchant qui veut que tu tues plein d'autres méchants pour lui. Fait que t'avais une oreillette tout le long du jeu, puis il te donnait tes instructions là-dedans. Ce qui était cool, c'est que l'oreillette, t'avais l'oreillette de la PS2 que tu pouvais te mettre, puis t'entendais vraiment dans ton oreille pendant que tu joues. Tu peux jouer à Sly Cooper avec ça aussi, hein, sur la PS2. C'était une belle idée, ça, cette oreillette-là. C'est une super bonne idée. Je trouve que ça devrait exister encore là, pour plein d'autres jeux. Puis non, ça, c'était vraiment le fun. Puis l'affaire qui faisait que c'était horrifique, c'est ça, c'est que tu tuais plein de monde, puis t'avais des kills différents pour chacun. Tu pouvais étouffer. Sadique, hein. C'était très sadique. Tu pouvais étouffer quelqu'un avec un sac, tu pouvais l'étrangler, chopper la tête, détruire avec un couteau. Puis tout ça était fait avec une espèce de film look de VHS avec le tracking qui est pas bon, caméra surveillance. C'était très creepy. La trame sonore était creepy aussi. C'était comme des vieux films d'horreur des années 80. Fait que non, moi j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Un autre jeu qui m'a fait tripper, c'était The Suffering, qui était un autre jeu sur la PS2. Puis t'étais encore une fois dans une prison, puis fallait que tu sortes de cette prison-là parce qu'il y a comme plein de monstres tout d'un coup. Okay. C'est comme une espèce de grosse émeute, puis finalement il y a une tonne de monstres, puis ton personnage, ben il va s'évader de cette prison-là. Le personnage, c'est cool, c'est qu'il ressemble à Wolverine. Ouais, il est super badass. Puis c'est ça, il tire plein de monde, évidemment, plein de grosses bébites dégueulasses. Fait que ça, c'était vraiment cool, un très bon jeu de PS2. Puis sinon, à part de ça, il y a Deadlight que j'aimerais dire parce que j'ai joué à ça dernièrement sur la 360, sur XBLA. Okay. Puis c'est un jeu de zombies, mais c'est un peu un jeu de zombies réinventé parce que ça joue de gauche à droite, c'est un platformer. Puis l'ambiance est vraiment géniale. Visuellement, c'est très, très, très, très beau. Puis c'est un jeu qui est le fun. C'est pas le jeu le plus compliqué au monde, mais c'est vraiment le fun. J'avais joué à Monsieur Ness. Je pense que j'avais donné un 8.5 ou un 9. OK. Vraiment un très bon jeu, là. Dead Island aussi, très bon jeu d'horreur à jouer. J'avais bien aimé ça. Puis sinon, un jeu que je connais pas vraiment, mais que je n'ai tellement entendu parler sur Internet, c'est Amnesia de Dark Descent. OK. C'est un jeu sur PC, puisque c'est de la survie, là, vraiment. Là, c'est ta première personne, t'avances, puis t'es un peu pogné dans des espèces de grottes. Puis c'est ça, bref, les gens qui ont joué semblent dire que c'est vraiment le jeu le plus épeurant qui existe. OK. Ouais, il y avait 6 millions de views sur YouTube. Oui, c'est le trailer, c'est mon gueule, là. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça a l'air assez intense, je suis pas sûr que je tente de jouer à ça. Ouais, c'est ça. Nice. Puis toi, Dom? Moi, j'aurais Phantasmagoria, ouais. Qui est un genre de jeu, encore une fois, avec du live vidéo, du ouais. vrai vidéo, comme Night Trap. Ce jeu-là, si vous voulez, comme l'ultime jeu dégueulasse, d'un jeu dégueulasse, des affaires pas possibles que vos parents vont capoter, tu sais. Là-dedans, il y a de l'horreur, de la torture, avec du vrai monde attaché, tu sais, qui se font rentrer des affaires dans la bouche, puis tout. Puis il y a des dominatrices, tu sais, c'est comme des affaires sexuelles aussi là-dedans. J'ai aucune idée ce que c'est ou qu'est-ce qu'il faut faire. Là, moi, j'ai vu la pochette, mais je suis jamais allé plus loin. Ouais, non, c'est ça. J'ai vu un peu de footage, tout ça. Ça mélange un peu le vrai, l'image jeu vidéo et le vrai film. Là, ouais, c'est ça. C'est comme assez, un 3D avec du vrai en ouais, avant. Ouais, c'est là. Ça. De façon un peu très. C'est mal fait. Oh, oui, ah oui. Puis là, ça aurait pu être terrible, ce jeu-là. Ça aurait pu être décadence, tu sais. Mais oui. c'était tellement filmé. Les acteurs ne l'avaient pas partout, là. Fait que ça a mal viré à cause de ça. Fait que les ça jeux vidéo, c'était le même, on dirait. Ils ouais. prenaient des acteurs épouvantables. Ah, ouais, ah, ouais. Ils prenaient pas des bons acteurs, effectivement, pour les faire. Vraiment ça pas. De la merde. Alors, ça, c'est une chose. Sinon, je mentionnerais aussi Haunted House à l'Atari 2600. Oui. C'est un jeu où est-ce que. C'est une paire de yeux qui se promènent dans le noir. Faut trouver des clés ouais. pour que tu réussisses à sortir de cette maison-là. Un jeu fucké, mon gars, qu'on comprend rien de ce qui se passe. Il y a du tonnerre dehors, des gros yeux, des chauves-souris. N'importe quoi. Mais je le mentionne parce que la pochette est vraiment écœurante. Je mentionnerais aussi Limbo. Ben oui. Qui est... je sais pas, c'est pas tant un jeu considéré horreur, mais le petit bonhomme... Un jeu d'horreur, quand même. Ouais, il passe... il se fait tuer solidement. Là, oui, les grosses araignées et tout... ça mérite qu'on en parle. Maniac Mansion au NES aussi. Ben oui. J'ai jamais joué. C'est un point and click renommé. Puis je l'ai à vendre d'ailleurs sur papagassette.com. Ah. Puis j'ai quasiment envie de le garder. Mais je le vends pareil en tout cas. Mais je pense que c'est un jeu qui a été très populaire. Ben oui. Ça a pogné beaucoup sur ordinateur. Ouais, surtout. Dans la même veine que Day of the Tentacle oui. puis tout ça. Exact. Alors c'est important. House of the Dead, bien sûr, oui. on peut mentionner ça. C'est le fun, House of the Dead. Oui. J'ai tout le temps aimé ça, moi, jouer à ça. À l'arcade, surtout. Ben, les jeux de Light Gun, c'est le fun quand même. Moi, House of the Dead, il y avait Overkill qui avait été fait pour la Wii, puis après ça, ça a été porté sur PS3 avec la PlayStation Move. Ouais. J'avais bien aimé ça. Même affaire que Dead Space Extraction, qui est un ouais. jeu de Light Gun aussi, que j'ai adoré. Absolument. Fait que, non, il y en a des bons jeux de Light Gun d'horreur. Ah, il y en a. Et je finirais avec Night Stalker à l'Intellivision. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, ben, je sais pas si on peut le classer d'horreur, mais ça se passe tout dans le noir, oh, hein? dans le bleu. C'est, la musique, c'est dum, dum, dum. Puis t'as des ouais. gens de robots méchants qui te courent après. Des araignées, des chauves-souris, t'as un gun, faut que tu t'en sortes, là, tu sais. Fait que c'est un beau bordel. Je suis sûr que s'ils faisaient, tu sais, donne le mandat à une équipe créative, là, avec du budget de faire un Night Stalker aujourd'hui avec des vrais robots, là, à la Dead Space, mettons, là, justement, avec des vrais robots et des affaires, là, ça serait malade, mais oui, c'est sûr. Mais c'était une très bonne idée, puis c'était un jeu très populaire à la télévision, donc Night Stalker. Nice. Yeah! Fait que c'est ainsi que se terminait le 38e épisode de Rétro Nouveau. On espère que vous avez fait dans vos shorts. Ben oui, certain. C'était le but. C'était le but. On n'a pas tout fait ça pour rien, j'espère. C'est sûr. Puis on espère aussi vous avoir appris des choses. Oui. À travers tous ces jeux-là, certains obscurs, certains populaires auxquels peut-être vous avez jamais joué. Ben oui. Beaucoup de PlayStation 2, on s'en est rendu compte, mais il y en a pas mal. Beaucoup de bons jeux. Un ouais. style... style populaire, l'horreur. Un style très populaire, l'horreur, à ne pas nier. Absolument. Puis on vous rappelle encore qu'on aimerait bien ça connaître les nouveaux fans. C'est ça. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter, liker, follower. On veut voir ça gonfler dans le fond. Ben oui. Parce que là, les écoutes gonflent, puis les fans, ils suivent pas. Fait qu'on sait, ouais, pas c'est qui. On peut-être se demande, c'est des fantômes. C'est mystérieux. Mais en tous les cas, on vous remercie énormément, ouais, de nous suivre. Ben oui. Puis on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Yes. Bye. Ciao.